quelques gouttes de ce jus noir juste pour asseoir leur pouvoir, pour nous empêcher d'y voir et nous promettre de tout avoir. Ils aimeraient tant enculer sa dame, ils regrettaient le temps du napan, et ils seraient prêts à sucer man des plus éminents belles dans leur aman. Mais nous les suivons dans ce ramdam. Mais notre pensée est pleine, et notre pensée à peine. Et qui va penser notre terre? Oui, qui va dépenser pour la mer dans ce beau jardin d'Éden, ce vrai jardin d'Éden. J'y balade ma vie quotidienne, et je suis en train de faire mon flegme. De côte, 70 étages et 70 000 litres. Qui de Saddam ou des Nations Unies possède la pire arme biologique? La lalie du prestige leur semble moins destructeur que l'agonie de deux tours et d'un pays. Nous tous coupables pour quelques tueurs, quelques millions pour quelques.